Comment l'OMS a été capturée par le secteur privé? On pourrait penser que la politique mondiale de santé est gérée par l'Organisation mondiale de la santé. Mais en réalité, l'OMS est contrôlée par des sociétés et des intérêts commerciaux. Par exemple, dans le cas de l'actuelle pandémie mondiale, l'un des organismes les plus importants qui prennent actuellement les décisions est un organisme appelé COVAX, une initiative visant à garantir l'accès au vaccin COVID-19 dans le monde entier. L'OMS n'y est qu'un partenaire parmi d'autres. Les véritables prescripteurs sont des organismes tels que la Gavi et la CEPI. Derrière ces structures se trouve la fondation Bill et Melinda Gates, qui finance chacun de ses partenaires par d'énormes dons. Tous ces décideurs agissent uniquement dans l'intérêt des entreprises pharmaceutiques, n'assumant aucune responsabilité pour les dommages causés par les vaccins et ne peuvent être tenus pour responsables.